tente est dressée au jour fixé. Chaque chose trouve sa position. Et lorsque tout est enfin prêt, ta gloire descend sans condition. La nuée remplit toute la tente. Moïse lui-même ne peut entrer, car ta présence devient palpable quand l'obéissance a tout achevé. Ce que l'homme prépare avec fidélité, Dieu le remplit de sa Tout.